gueule. Et pour eux c'est des dingueries. Voir l'ennemi se plier de lui laisser la distance, ça n'a pas pris. Je veux gagner, je suis pas fair play. Quel bâtard veut me faire taire. Quand on tapera chez toi, c'est le kick. La calache que le bruit de la caisse claire. Mon avocat il veut, mais les armes sont russes, c'est la plus des vulgaires. On fait du haram, enfer ou paradis, on se reverra plus tard. J'ai vu en promenade des voyous dans l'Éden. Lève-leur les armes, ils t'aideront des appels. J'ai enterré ma peine. Bébé, si tu me trompes, je mets contrat sur ta tête. Personne nous achète. Je monte dans mon land que pour faire les achats. Tu veux percer, t'es, je te donne la recette. Rends-toi la grotte plus profonde dans la ch. On n'est pas des chiens. Le cœur ou la tête, on t'a donné le choix. L'ambiance est cruelle. T'as crevé tout l'air, on a pleuré de joie. Regarde-moi dans les yeux. Bébé, je sais que tu mens. Serais retiré sur eux. Je n'ai plus aucun sentiment. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Mes péchés, derrière le mic ou au confessionnal. Mon père j'ai triché, les carteurs de chez moi sont des professionnels. J'ai pas tourné la veste et ces enfants de pute ils ont tourné le dos. Pour 20 000 euros, ça m'étonnerait pas que mon frère donne le go. Pas fond de réseau, on te respecte pas et on plaque à nourrir. Mon père fait du bruit si tu voulais me parler, cœur passe par mon riz. J'parle à mon ombre. On joue des mots, je ne sais pas qui je suis. Je finis dans la saute, je finis dans la suite. Des milliers d'euros, je veux commencer à en suivre. La vie n'est qu'un test, la flingue sur la tente, la mort n'est qu'un geste. Je sors si j'aime, je ne dois rien à personne, moi je n'ai aucun chef. J'ai du sel dans la poche, t'as du sperme dans la gorge. Si j'avais aidé un suceur de bite comme les mecs de chez toi, j'aurais le cul dans la porte. Regarde-moi dans les yeux. Bébé, je sais que tu mens. Serais j'ai tiré sur eux. Je n'ai plus aucun sentiment. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux.